Le respect. à l'océan. That don't.

les filles de mon âge, pas la main. Tous les garçons et les filles de mon âge. Non, non, je rigole. C'est bien plus intéressant. Je m'en veux pas. J'en cherche des nouvelles, tout ça, j'en essaie. We'll be right back. Thank you.